Voici le moment des tocs. Peut-on appeler quelqu'un, se faire passer pour le maire et glisser quelques mots vulgaires et quelques expressions graveleuses? Ça y est, ça te reprend. Entre deux phrases. Vous avez enregistré ça il y a quelques jours. Écoutez. Cette dame était adorable. Oui, très gentille. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, c'est monsieur le maire à l'appareil. Mais je vous connais pas. Mais non, mais je vais vous appeler pour vous dire bonjour justement. Ah bon, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien. Moi aussi, écoutez, ça va très bien, mais je me permettais de vous appeler pour vous souhaiter la bonjour et nous prenons un petit peu le tour de nos administrés. Ah bon, d'accord. Voilà. Pour savoir, ne vous inquiétez pas, tout va bien. La liste de porc. Est-ce que tout va bien de votre côté? Ça va, monsieur. Merci. C'est vrai, pas de soucis dans la rue. Trop de balles de chien. Pas de soucis. Ah si, des crottes de chien, il y en a. Il y en a. Il y en a toujours qui passent, même il y a des chiens qui se baladent comme ça. Hein. C'est vrai. Ah, ouais. Toujours des chiens errants, je donne des problèmes de chiens errants. Hein. Je te chie la droite. Oui. Ouais, pas de soucis. On a un voisin là qui a pas de, qui nettoie pas son jardin. Hein. Ah, pourquoi? Roupion Marsouin. Monsieur, comment? Donnez-moi son nom à ce monsieur. Oh, écoutez, je connais même pas son nom. Allez, je te laisse, je te colle. Il y a quelqu'un qui parle derrière vous? Non, il y avait des bruits qui venaient de chez vous, madame, là. Ah non? Ah si, je vous entendais des bruits également. Je croyais que c'était de chez vous, je croyais que c'était une plaisanterie. Ben moi aussi, qu'est-ce qu'il parle là? On peut écouter? Bon, maintenant, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Mais il disait des grossièretés, là. Qui disait quoi? Bon, je sais pas quoi, mais il parlait mal, hein. Ça m'étonnerait bien. Donc, tu nous en sommes étonnés? Ça m'étonnerait bien. J'ai entendu, là, maintenant, ça vient. J'ai entendu quelque chose. Mais non, mais il parle, je sais pas, il dit des trucs bizarres. J'ai entendu votre... Attendez, vous avez une seconde? Allô? Oui? Vous avez... Moi, j'ai rien entendu. Ah bah maintenant pas, mais c'est par moment, hein, quand vous parlez derrière. Vous voyez maintenant? Vous avez entendu maintenant? J'ai entendu vaguement quelque chose, j'ai entendu Ginette. Bah oui, mais qui c'est qui parle? Ah, ça vient de chez vous, c'est une blague qui vient de chez vous. C'est vraiment la mairie qui téléphone. Mais tout à fait madame, attendez, est-ce que vous voulez que l'on réécoute encore à nouveau? Rien. Oui, mais parle pas. Trop de balles d'hérisson! Moi aussi, ça vient de chez vous. Trop de balles d'hérisson. Comment ça? Trop de balles d'hérisson, pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous me dites ça à moi? Trop de balles de hérisson. Non, je vous dis pas ça à vous. Mais bah, écoutez-moi, madame, vous venez de me dire trop de balles de hérisson. Non, il y a quelque chose là. Écoutez, je vais à la mairie. Mais attendez, madame, je vais te poser une plainte. Vous venez de me dire trop de balles de hérisson. Bah, je vous dis pas ça à vous. Mais vous venez de me le dire à moi. Je suis dans les trous de nez. Vous venez de me dire ça à moi. Non, hop, je raccroche. Pas de ton cul. Bien placé, voilà. Je te suis dans les trous de nez. Alors, cette dame a raccroché, mais on s'est dit, il faudra quand même qu'on lui refasse un petit coucou. Ah bah oui. C'est pas normal d'en rester là, puisqu'elle allait se plaindre. Faut être la police. Oui. Oui, madame Gendarmerie Nationale à l'appareil. Nous avons suspecté un quelqu'un qui s'amuse à faire des blagues téléphoniques. Est-ce que vous en avez été victime? Justement, j'allais soi-disant la mairie. Il y avait quelqu'un à chaque fois qui me parlait, C'est ce que je suis en train de vous dire, madame. Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des plaisanteries. Et nous sommes en train de repérer son numéro de téléphone. Il vous a appelé il y a quelques minutes. Oui, oui. Tout à fait. C'est un plaisantin, madame. Ah bon? Qu'est-ce qu'il vous a dit ensuite? Mais Ginette va chier ou je sais pas, des trucs comme ça. Hein. Il vous a dit, je note, madame, c'est important pour la déposition. Il vous a dit Ginette va chier. Ce qu'il vous a dit, trop de balles de hérisson. C'est son insulte fétiche. Oui, il vous a dit trop de balles de hérisson. Oui, oui. De hérisson, hein? Oui, oui. Avant, il y avait trop de balles de hérisson. C'est son insulte fétiche, c'est lui, madame. Ah bon? C'est lui. Trop de balles de hérisson. Mais il semble que c'est bien. C'est pas votre voix qui a appelé tout à l'heure. Mais pas du tout, madame. Si moi, je ne dis que. Anus de fuck, fuck, fuck, fuck. Anus de fuck. Anus de fuck. Allô? Ouais, je sais pas, des fois, je me fais peur à moi-même. Alors, il y a une technique qui marche bien si vous faites des gags au téléphone. Je vous le dis, c'est bonjour, c'est monsieur le maire. Ça passe. Cette technique du bonjour, c'est monsieur le maire passe. Ça pardonne tout. Le premier barrage. Mais ça marche toujours parce que généralement les gens disent oh, c'est le maire. Oh. Donc, et puis souvent, personne connaît le maire. Des fois, ça marche. Des fois, ça peut pas marcher. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est monsieur le maire à l'appareil. Mais quel monsieur le maire? Bah, monsieur le maire. Vous avez l'air étonné. Oui. Pourquoi vous êtes étonné? Le maire, mais le maire d'où? Mais le maire de votre ville, madame. Mais vous faites erreur, monsieur. Mais pas du tout, madame. C'est le maire de Château à l'appareil. C'est pas le maire de Château qui me téléphone. Mais bien sûr que si. Quoi? Il doit y avoir une belle erreur. Mais pourquoi? Parce que le maire de Château, c'est mon fils. Et c'est pas du tout sa voix. Alors c'est quelqu'un qui me fait marcher. C'est bon, ça. Excusez-nous, on a... Ça, c'est ce qu'on appelle, alors, ne pas avoir de chance. Là, forcément, si le maire, c'est votre fils, là, forcément, on peut pas. Bon, bah, vous lui ferez un bisou de notre part. Bien, merci. D'accord, je vous embrasse. Bientôt, bisous, madame.